Me permets-tu de faire une pause par rapport Oui, parce que oui. ça vient de popper sur Facebook. Patrick Bourgeois des bébés est décédé. J'ai un petit peu de peine. Sérieux? Ouais, ça vient de popper pour 6 minutes. Patrick Bourgeois, le leader des bébés, est décédé. You know, it's Halloween. I guess everyone's entitled to one good scare, huh? Look at me, Damien. It's all for you. We'll tear your soul apart. They're coming to get you, Barbara. They're here. I see dead people. What have you done to its eyes? What have you done to him, you maniac? We all go a little mad sometimes. Come. It is time to keep your appointment with the Wicker Man. Bonsoir et bienvenue à l'épisode 101 de Horreur Gamer. Mon nom est Jean-François Tremblay en remplacement à l'animation de Sébastien Bouchard qui, lui avec sa blonde, viennent d'avoir leur deuxième bébé. C'est pour ça que Sébastien n'est pas là. On lui souhaite, on leur lance nos plus belles félicitations. Félicitations Seb, félicitations Marie-Ève pour Hourra! La super petite fille. C'est ça, à soir, je suis avec mes deux collègues habituels, c'est-à-dire Vicky Langlois et Steven Lefrançois. Salut, vous deux! Allô! Allô! Comment ça va? C'est nice, j'ai un putain de gros mal de crâne épouvantable, mais je tenais à faire le show. Fait que je suis là. Ouais, super. Moi, je fais super bien, je n'ai pas de mal de crâne et j'avais envie de faire le show. Ouais, moi je pense que c'est trop d'heures de travail et peu de sommeil. Beaucoup trop de travail et peu de sommeil font que Vicky a mal à la tête. Beaucoup trop de travail et peu de sommeil font que Vicky a mal à la tête. Écoute, je pense que tu oublies de mentionner un élément important, l'alcool. Ben, même pas, j'ai pas été capable de boire des 3 derniers jours, j'étais trop fatiguée, puis j'étais comme tout le temps debout, là. Hier, j'ai travaillé 18 heures en ligne, puis pas mal debout tout le long, fait que si tu prends pas d'alcool dans ce temps-là, c'est pas une bonne idée, t'as les genoux mous. Mais ce soir, j'étais obligée de prendre du vin, parce que sinon, comment voulez-vous que j'avale mes Tylenol? Ouais, j'aime bien le « obligé ». Pas le choix. Non, mais tu sais, pas le choix. Puis ben moi, j'avais mal à la tête au début de la journée, puis là, j'ai plus mal à la tête, fait que j'étais entre vous deux. Okay. Je te mélange de vous deux. Je pense que j'ai bu beaucoup d'eau. Je pense qu'au début de la journée, j'avais pas bu assez d'eau. Que... C'est important. Ça a aidé. À ce soir, on parle de deux found footage qui sont sortis dans les dernières années qui s'appellent L House LLC puis Hashtag Screamers. Ouais. On n'est pas mélangé avec le Screamers avec sur un Dupuis. Sur un Dupuis, ouais. C'est pas la même chose. Ouais, mais c'est le hashtag qui fait toute la différence. Pas besoin de mentionner. Puis pour les ceux qui veulent vraiment sont pointus sur le français, c'est mot-clic, Screamers. Oh boy, ok, ouais. Ouais, mais vu que le film n'est pas en français, je sais pas si on peut aller jusque-là. Ouais, c'est ça. J'ai marqué mot-clic dans recherche, je trouve pas le film, c'est weird. Avant de parler des films, j'avais eu une petite idée, parce que c'est l'épisode 101, une petite idée un peu nounoune, mais je me disais, bah, épisode 101, tu sais, on pourrait faire un genre, une discussion, brève discussion, genre, introduction à l'horreur 101. Genre, on pourrait parler, j'avais proposé des questions, puis c'est juste une discussion libre, dans le fond, on fait juste jaser vite de même. Là. Mes questions, c'était... Horreur 101, tu sais, quel film qu'on montrerait à quelqu'un qui connaît pas du tout l'horreur? Quel film d'horreur qu'on aurait envie de montrer à nos enfants en premier, puis à quel âge? Puis, dans le cas de Vicky, mettons qu'il n'y a pas d'enfant, quel film tu montres à des clients qui disent ne pas connaître ou aimer l'horreur? Ou qu'est-ce que tu montres à un groupe d'enfants qui voudrait avoir des frissons, tu sais? C'est une grosse... C'est plusieurs questions, mais c'est... Mais c'est ça, tu sais, c'est Horror 101, par où commencer, the beginning! Ben, c'est ça. Moi, je te dirais que pour être confronté à tellement de publics différents, je me rends compte à quel point l'horreur est tellement différente chez tout le monde. C'est épouvantable, c'est incroyable. On a fait un marathon de l'horreur pendant une semaine, la dernière semaine d'octobre, à la capsule, puis pour vrai, n'y a jamais personne qui aimait les mêmes films. C'était drôle parce qu'on y allait au vote. Fait qu'il y avait gros des soirs, on était comme, hey, c'est pas mon film, mais c'est pas grave, on va le reprendre demain. Ou il y a des films qu'on se rendait compte que on les avait tous vus individuellement. Puis on le met à la capsule, puis on est 10-12, puis le film passe pas. Le film marche pas. Il est rendu ridicule en gang. Alors que tous individuellement, c'était poignant comme film. Ou, par exemple, pour beaucoup, Freddy Krueger, c'est un personnage culte. Tout le monde connaît Freddy Krueger. Ouais. Alors que j'ai pogné, je pense que je l'avais compté dans un épisode, des Français fraîchement débarqués à Sherbrooke pour leurs études qui ne connaissaient pas Freddy Krueger et qui avaient fin vingtaine, début trentaine. Donc, je pense que Horror 101, Horror 101, est difficile parce que c'est fou à quel point la base est différente pour chacun. Ben c'est ça, on a toute peur, on réagit toutes à des affaires différemment, tu sais, à des affaires différentes, puis de manière différente, tu sais. Même à soir, on va en parler tantôt des deux fonds de footage, s'ils nous ont fait peur ou pas, tu sais, on va parler de ça un peu, mais... Ça va être différent aussi dans le sens que c'est peut-être égoïste vouloir faire découvrir l'horreur 101 à des gens qui sont pas habitués à ça, parce qu'on va y aller avec des films qui nous plaît à nous, en fait, en tant que tel, puis comme dit Vicky, ben moi, je pense que... À part y aller avec mes goûts à moi, tu peux pas conseiller vraiment n'importe quoi. Faut que tu apprennes à savoir ce que la personne aime, c'est quoi ses goûts, puis ça, c'est différent d'une personne à une autre. Fait que tu peux pas dire, moi, c'est The Shining que je ferais découvrir à toutes les gens qui ont jamais vu de film d'horreur. Je pense pas que ce soit forcément le premier film d'horreur qui soit bon à faire découvrir à tout le monde. T'sais, ça dépend des gens. Ouais. Puis tu sais, j'ai jamais travaillé personnellement dans un club vidéo. Je pense que j'aurais eu de la misère à suggérer des affaires au monde parce que moi, avec mes propres goûts. Puis tu sais, il faut que tu te fies un peu à leurs goûts, mais tu les connais pas. Fait que tu fais, ben, je pense que tu aimerais peut-être ça, tu sais, mais je suis pas sûr. Mais... Ben, si tu es habitué avec ton public. Oups, excuse-moi. Si tu es habitué avec ton public de vidéos qui vient à chaque semaine, puis tu connais les faces, puis. Quand ils disent qu'ils n'ont pas aimé tel ou tel film, ouais. Comme ok, lui il est plus blockbuster horrifique, je ne vais pas lui conseiller It Come At Night, là. Je sais qu'il n'aimera pas ça. Fait que les films vidéo, je trouve que c'est quand même un bon moyen d'apprendre à connaître un peu le goût des gens quand tu essaies d'avoir quand même une relation avec ton public, tes clients, là. C'est ça qui est le fun. Mais c'est ça, mais moi tout quand je connais les gens, je suis vraiment bonne pour conseiller les films, surtout des films d'horreur. Pour vrai, puis je suis capable d'y aller au-delà de mes préférences. Tu sais, tu me dis, c'est quoi ton genre? Je vais t'en trouver. Je suis vraiment bonne. Puis même au-delà de l'horreur, là, tu sais, je veux dire, je fais ça à journée longue, quasiment. Au moins aux 2 à 3 jours, il y a quelqu'un qui veut des conseils sur des films. Fait que je fais ça souvent. Puis je suis quand même pas pire bonne. Mais quelqu'un d'inconnu, je suis pourrie. Je suis pourrie. Parce que je vais aller chercher des classiques, puis je me rends compte que à chacun ses classiques. Je me rends compte que... C'est vraiment dur de conseiller un classique à quelqu'un parce que, déjà en partant, si tu dis « regarde ça, c'est un classique », bang, tu viens de le mettre un hype. Bang, tout de suite, la personne s'attend un chef-d'œuvre, genre. Fait que c'est vraiment dur de conseiller à quelqu'un en disant « ça, c'est un classique ». Moi, je pense, pour pas me casser la tête, je conseillerais 5 films de genres complètement différents qui sont quand même accessibles puis pas trop abstraits, si on veut. Puis, tu sais, j'attendrai que la personne revienne me revoir pour dire quel film qu'elle aimait. Exemple, une comédie d'horreur, Shaun of the Dead. Il a adoré, fait que je sais un peu dans quelle direction qu'il va aimer les comédies d'horreur. Je pense que c'est pas mal ça que je fais en gros, mais tu sais, si je vois de mon point de vue à moi, c'est sûr que logiquement, quelqu'un qui a jamais vu de film d'horreur, je voudrais lui faire écouter Evil Dead de Sam Raimi. Mais tu sais, est-ce que la personne va aimer ça? J'ai aucune idée, tu sais. Je l'ai conseillé souvent, puis les gens comprenaient pas pourquoi je leur conseillais. Je l'ai conseillé à plein de gens qui se disaient fans d'horreur, mais tu sais, pour vous dire, je pense que je l'ai déjà dit encore une fois ça, mais j'ai une personne avec qui je travaillais dans le temps qui me disait qu'elle, c'est une fan de films de zombies, puis elle jouait aux jeux vidéo de zombies. Je suis désolée, moi, je connais pas les jeux vidéo, mais elle jouait à des jeux vidéo de zombies. Elle écoutait Walking Dead, super accro à des films de zombies, L'Aube des morts de Zack Snyder. Je pense que je me trompe pas dans les deux titres, en tout cas. Puis... Vraiment, vraiment accro. Puis là, je lui fais écouter Dawn of the Dead de Romero, qui se passe dans un centre commercial. Je me trompe pas? Oui. OK. Puis j'ai fait écouter celle-là, puis elle était comme, je comprends pas, c'est pas le fun, c'est pas bon, c'est pas intéressant. Puis je suis comme, ah, tu peux pas me dire ça, tu sais. Tu peux pas me dire que t'es une accro des films de zombies, puis pas être capable d'écouter celui-là. Puis ça, je pense que c'est l'histoire de ma vie. sais, parce que ça vient d'un certain snobisme, d'un snobisme que j'assume personnellement, par contre, de cette idée que si tu me dis que tu aimes un genre, je suis désolée, mais il faut que tu aimes le genre puis tu le connaisses. Ouais, c'est ça, tu sais. En même temps, c'est dur de faire changer l'idée du monde qui aime pas les vieux films, mettons. Mais si c'est ça le problème, tu sais. Puis tu dis, si t'aimes le genre, il faut que t'aimes tous les films de ce genre-là. S'il y a des films de zombies qui remontent aux années 40, 30, tu sais, ça va être vraiment dur de faire aimer ça au monde. Non, mais quelqu'un aime pas le film parce qu'il a vraiment pas aimé le film pour X raison, puis il me décrit le détail, ça va. Quelqu'un qui va me dire qu'il a pas aimé le film parce que c'est vieux, j'ai bien la misère avec ça parce que si tu me dis que t'aimes juste vraiment pas les vieux films, tu veux pas en voir, ben gars, je suis pratiquement certain que je pourrais y en faire découvrir qu'il va aimer. Là, tu peux pas avoir de film en bas des années 2000 que t'aimerais pas, là. Ça existe pas. Faut juste que tu prennes la peine d'essayer puis Eh d'élargir tes oui. horizons, là, puis de pas juste aller voir ce qui sort comme nouveauté ou comme Netflix. Tu sais, souvent, je parle avec des gens qui comprennent pas toujours pourquoi moi, je continue d'acheter une grosse collection, mais je dis, ben, justement, c'est parce que j'achète vraiment tous les genres de films et tous les films de différentes époques que j'adore. Il dit, ouais, mais sur Netflix, t'as tout. Non, justement, Netflix, exemple, tu vas dans l'horreur, là, c'est pas long que t'as fait le tour, honnêtement, puis ça manque énormément de classiques puis de d'autres films plus underground qui sont pas disponibles sur Netflix. Fait tu sais, oui, c'est cool Netflix, mais c'est pas le coffre-fort du cinéma, là, il Non, manque non. vraiment trop de stock. Fait que moi, je suis vraiment satisfait de ma collection, là, qui a beaucoup plus de choix, là. Puis, ben, mais c'est ça, moi j'aurais tendance instinctivement d'aller vers les classiques. Tu parlais tout à l'heure de Shining. Moi j'avais pensé, en pensant à la question, je me disais, quelqu'un qui me dirait, je connais pas pantoute l'horreur, tu sais, puis avec quoi, puis quand je commence, ben, j'aurais tendance à aller avec des affaires soft, puis plus psychologiques, genre, je pensais à Rosemary's Baby, ou ben Jacob's Ladder, ou même Babadook, tu sais, c'est psychologique, tu sais, j'irais avec Tu ces vois, affaires-là, tu j'ai deux sur trois, je ne sais pas aimer. sais. Rosemary's Baby, je l'aime aujourd'hui, après plusieurs écoutes et d'analyses et de vraiment d'avoir mon attention captée sur le film. Jacob's Ladder, je l'ai écouté deux fois, je me suis emmerdée les deux fois. Et Ah ouais. Babadook, je l'aime, mais pas pour son aspect horreur, peut-être. Oui, peut-être horreur, mais en tout cas, oui, je peux apprécier Babadook et je conseille Babadook. Mais tu sais, tu vois, tu m'aurais dit commence l'horreur avec Rosemary's Baby, je me serais tapé la tête des murs. C'est Ah, dur, c'est ça, c'est hein, horreur. vraiment dur, ouais. Moi, je dirais avec des choix quand même plus safe. Tu sais, exemple, Evil Dead 2, je crois que c'est le genre de film qui peut Mais facilement plaire à quelqu'un. c'est parce que c'est tellement gore que j'irais pas nécessairement là. Ça dépend du monde aussi, tu sais. Ouais, mais c'est pas du gore, je te choque, là, c'est plus cartoon humour noir. Fait que tu sais, c'est pas vraiment. Ouais. C'est pas comme le premier Evil Dead, là, en tant que tel, là. Mais Evil Dead 2, une salle de 15 personnes, tout le monde riait. Ben, c'est une Qu'est-ce que. comédie aussi. Oui, je sais. Est-ce que c'est ça que tu veux donner si tu veux donner de l'horreur? Moi, tu me conseilles de l'horreur, puis je finis avec un film où je ris, je vais faire ouais, mais c'est pas ça que je veux. Ouais, mais là, c'est parce que la personne faudrait qu'elle me mentionne qu'est-ce qu'elle veut. Sinon, je veux dire, l'horreur, c'est large, là. Ça va C'est ça dans tous qu'on veut les dire. sens. C'est ça que je veux dire. C'est trop dur de dire c'est quoi l'horreur 101? Comment décrire le genre? Ah non, mais ça, c'est sûr. Mais en tant que tel, c'est pour ça que je dis que moi, j'en conseillerais au moins 5 complètement différents pour que la personne m'oriente vers la bonne direction. C'est pas mal ça, en gros. Même chose pour les enfants. Tu sais, je veux Ouais, dire, j'allais les. vers là aussi, ouais. Évidemment, j'ai vraiment envie de faire découvrir mes classiques à Scott, mais qu'il puisse en voir. Mais je veux dire, je pense qu'on va tous y aller dans la facilité, puisque les classiques pour enfants horrifiques, il n'y en a pas tant que ça, dans le sens que je pense qu'on va tous y aller avec Gremlins, Goosebumps, The Monster Squad, tous ces films-là. Je veux dire, c'est pas mal ceux-là qu'on va penser en premier à faire écouter des enfants. Sinon, t'sais, de l'horreur plus léger, c'est quand même difficile. T'sais. Je veux dire, c'est quoi? On va aller dans l'animation, puis du Tim Burton ou Ouais. Paranormal, ces trucs-là, Puis mais. même plus soft, quand j'étais jeune, tu sais, Goonies, il y avait quasiment des passes horrifiques, c'était pas un film d'horreur, mais il y avait Ouais. des. Tu sais, je veux dire, tu peux commencer à même plus soft un peu, tu sais. Ouais. J'essaie de penser à des. Ouais, non, c'est ça. Mais t'as pas mal nommé des films que je nommerais. On est tous des enfants des années 80, 90, t'as nommé des films auxquels j'aurais pensé. J'ai pas vu Goosebumps encore, mais j'avais pensé à ce film-là, tu sais. Qu'est-ce qu'il y a de nos jours, tu sais, qui serait pour les enfants? Il y a Monster House qui est sorti il y a 10 ans, mais ça fait déjà 10 ans, là. Hôtel Transylvania pour les enfants. Ouais, il y a ça, tu sais, Paranorman, des trucs comme ça, les Box Trolls. Mais tu sais, comme exemple, moi, j'ai l'impression que je reviens tout le temps à ce film-là, mais tu sais, on en revient tout le temps avec les mêmes films au bout du compte. Mais je trouve que Krampus est vraiment une bonne alternative entre horreur un peu enfant, mais quand même assez horreur pour avoir peur, tu sais. Ouais. Enfin, je trouve que tu peux tester un peu ton enfant avec ce film-là qui va pas trop loin, mais que tu vas voir si tu peux aller peut-être franchir une barre de plus après celui-là aussi. Oh non, OK, je pense que je vais attendre encore un petit peu parce que le clown qui bouffe l'enfant l'a terrorisé. Tu commences avec Krampus, mais avec Witches. Witches, c'est creepy en salle. Fait que... Ah, ouais, mais c'est nice. J'ai tellement écouté quand j'étais jeune, c'est vrai. Ah oui. Ouais. Mais tu sais, on l'a souvent dit, hein, t'sais, les films de jeunesse de notre génération, c'est pas les mêmes qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, ça manque un petit peu de couilles, comme on a déjà dit, tandis que dans le temps, des films comme Witches, puis quelques films d'horreur familiale de Disney qui sont quand même assez creepy. C'est, là. C'est là que moi, j'allais, en fait, pour gérer des parents. Je gère beaucoup, beaucoup, beaucoup de parents à la capsule et il y a un énorme manque de curiosité. Énorme. Et tu pourrais proposer 6, 7, 8 films. Ils vont généralement aller avec celui qu'ils connaissent ou que tu es proche. Par exemple, j'avais proposé 4 films, puis celui-là qui est sorti, c'est Rio. Mais tout le monde l'avait vu. En deuxième position, c'était Madagascar, tu sais, alors que les deux autres étaient moins connus. Où je veux en venir, c'est que aujourd'hui dans l'horreur, ce qu'on propose, c'est des Shrek à l'Halloween, Madagascar à l'Halloween, Kung Fu Panda à l'Halloween. Donc, ce qui a remplacé nos Goosebumps en série, puis ce qui a remplacé les Fais-moi peur là, en série, c'est vraiment les bonhommes qu'on connaît qui font des épisodes d'Halloween. Pat Patrouille d'Halloween, Name It, ouais. Ils font dans leur épisode d'Halloween. Puis c'est ça qui a remplacé nos séries de jeunesse d'horreur. Notre première approche avec le monde de l'horreur, qui était Chant de poule, qui était Fais-moi peur, ça a été remplacé par des dessins animés connus qui font un épisode d'Halloween. Ou t'as les parents dans mon style qui mettent leur enfant dans une bassinette croyant qu'il dort à un an puis que finalement, ils écoutent le remake de Evil Dead. Ouais. Ce n'est pas la bonne chose à faire. Quoique, ça le laissait complètement indifférent. Il n'a pas écouté tout le film non plus. Mais écoute, ça dépend. Moi, j'ai déjà vu des parents qui écoutaient quand même des films assez adultes pour avoir osé faire écouter ça à leurs enfants. T'sais, j'avais vu un jeune qui écoutait Zombieland avec sa mère. Puis, le jeune il aimait beaucoup ça. Puis il était conscient que c'est pas vrai, c'est du faux sang. Ben, elle faisait dire du ketchup. Mais tu sais, il faisait déjà la distinction entre un film et la réalité. Puis il avait l'air quand même de bien apprécier ça puis de faire la différence. Fait que, j'imagine que ça va dépendre d'un enfant à un autre. Là. Ouais, c'est ça. Dans le fond, on revient à ça. Ça dépend des goûts du monde, tu sais. Ouais. C'est pour ça que... Ouais, excuse-moi, Vicky, vas-y. Ben, j'allais juste dire, il y a des enfants qui ont vraiment plus peur que d'autres. Il y a des enfants qui avaient peur de mes décorations d'Halloween. Ça allait jusque-là. Fait que, non, je pense que ça dépend énormément de l'approche des parents, comment ils sont à l'aise avec tout ça. Fait que non. Ouais, ça, j'ai vécu ça avec des costumes d'Halloween. T'sais, mettons, il y a 2 ans, j'étais déguisé en zombie pour l'Halloween, pour accueillir le monde à la porte chez nous. Puis il y a des enfants qui me regardaient avec des. Ils étaient vraiment pas sûrs. Ouais. Puis d'autres qui te disaient cool, zombie. Puis. Non, il y en a qui étaient vraiment pas ça, les plus jeunes surtout, là, tu sais. Cette année, j'étais en vampire, mais, tu sais, un maquillage bien soft, tu sais, inoffensif, puis, tu sais, pas personne qui a eu peur, là, tu sais. Mais les zombies, ils ont pas aimé, là. Fait que c'est ça, dans le fond, on n'a pas vraiment, comme on se disait en dehors de l'enregistrement, on se disait, il n'y en a pas vraiment de conclusion à cette discussion-là, mais c'est ça, tu sais, dans le fond, ça dépend des goûts de tout le monde, ça dépend des personnalités du monde, puis de quoi ils ont peur, surtout, tu sais. Fait que c'est... Puis je pense aussi que si tu veux débuter dans le monde de l'horreur, regarde des vidéos YouTube, genre les 10 meilleurs boogeymen, les 10 meilleurs films d'angoisse. Ça sera peut-être pas les 10 meilleurs pour de vrai pour tout le monde, mais c'est que à un moment donné, ça va te piquer ta curiosité puis tu vas aller chercher quelques titres ici et là. Fait que je pense que le meilleur conseil de Horreur 101, c'est ouvre des livres, ouvre des encyclopédies, regarde des vidéos. Oui, exactement. Trouve... Faut les Tu vas lire sur le pas net. faire. Ah ouais, vraiment. Parce que l'horreur, c'est sur le net, c'est en revue, c'est en. Parfois en encyclopédie que ça se passe. L'horreur, ça se passe très peu. Je veux pas être poche, mais l'horreur se passe très peu sur Facebook et dans les forums. Très peu sur Facebook et dans les forums. Dans les revues, dans les sites spécialisés, là, il y a de l'information. Puis là, il y a de la passion, là, tu sais. C'est pas du « j'aime pas ça, c'est de la merde ». Il y a vraiment une passion dans les revues, dans les encyclopédies, dans les gens qui ont envie d'écrire les sites spécialisés. Si vous voulez débuter en horreur, débutez comme ça. Pas par les forums Facebook, parce que ça, c'est atroce. Ah! Puis, ben, je pense qu'on va terminer la discussion là-dessus. Une petite pause, on va entendre la petite madame qui crie, puis on revient tout de suite avec nos opinions sur nos deux found footage. Petite madame qui crie, vas-y! Alors, on commence avec le film Hell House LLC, sorti en 2015 selon IMDb, réalisé et écrit par Steven Cognetti. Et ça met en vedette Gore Abraham, Alice Balki, Danny Bellini et plein d'autres personnes qu'on ne connaît pas. Inconnu. Ouais. Ça raconte l'histoire en gros d'une gang de jeunes qui ouvrent une maison hantée, une maison genre je peux pas dire un manège, mais un genre de maison hantée pour le fun, là, dans un vieil hôtel. En fait, ça commence le film qu'on apprend que dans cette maison hantée-là, il y a eu des dizaines de morts. Il y a eu une grosse. Quelque chose qui s'est passé au début, puis c'est mystérieux, on sait pas trop ce qui s'est passé. Il y a une équipe qui font des interviews, font une enquête, ils interviewent une des membres de l'organisation qui avait mis en place cette maison hantée-là. Et cette personne-là lui donne des tapes, des cassettes ou des DVD. Puis en regardant ça, bien, il découvre un peu au fur et à mesure qu'est-ce qui s'est passé dans la maison hantée. Puis jusqu'à la soirée finale, où il y a eu plusieurs morts. L'ouverture. Ben, l'ouverture, c'est ça. Fait que c'est un peu ça, en gros, l'histoire. Puis c'est ça, je l'avais dit au début, c'est un found footage. Puis, je vais avec mon opinion générale, là, rapide, là, puis on fera le tour. J'ai aimé dans ce film-là, puis je vais peut-être vendre un peu mon opinion de l'autre, là, mais c'est un peu l'inverse de Hashtag Screamer. Dans ce film-là, j'ai aimé la section horreur, la portion horreur du film, puis j'ai pas aimé la section relation entre les personnages, puis tout ça. T'sais, j'ai pas aimé les personnages du tout. À part peut-être un ou deux. T'sais, le caméraman qui était pas si pire, il y en avait un autre qui était pas si pire. C'était pas mal tout des douchebags détestables, t'sais. Puis je comprenais pas leurs actions, leurs réactions, leur façon de fonctionner. Mais la section horreur du film, la portion horreur, était comparée à l'autre, parce que j'ai vu l'autre en premier, j'ai vu Hashtag Screamers en premier, était beaucoup plus efficace. Fait que c'était déjà. Là, je trouvais que c'était intéressant. Malgré ça, je l'ai écouté dans les bonnes conditions. Je l'ai écouté un soir, tu sais, les lumières tamisées dans mon salon, les écouteurs à ses oreilles. Mais j'ai pas eu peur tant que ça. Puis j'étais un peu déçu, tu sais. Oui, il y a des bouts qui sont stressants, des bouts que je me disais, ah, je vais pas voir quelque chose apparaître devant moi. Puis je me cachais un peu, je suis comme, ok, non, c'était juste ça, fuck. C'était tout le temps. Le bout des. Le bout des. C'était le bout des draps! Le drap! Le drap sur le matelas! J'en ai encore peur. Le drap sur le matelas? Ah, c'est pas grave, je vais pas faire de spoiler. Fait que ouais. C'est pas grave. Je vois plein de bouts dans c'est ma tête. Voient, mais... Non, c'est ça. En tout cas. Mais il y a des bouts qui sont efficaces, là, tu sais. Je pense qu'un des bouts qui m'a le plus. Que j'ai trouvé le plus efficace, c'est quand le caméraman est en train de se filmer, puis il y a quelqu'un qui rentre dans sa chambre avec des grands cheveux longs, puis tout, puis il pense que c'est la fille du groupe, puis la figure, la personne s'en va, puis je suis comme. Ah, je capoterais bien, tu sais. Si je reverrais le tape, c'était moi qui était. Tu sais, c'est moi qui m'étais filmé, puis je reverrais le tape, je suis comme. Puis, non, c'est ça, il y a des bonnes passes. Ce que j'ai beaucoup aimé, en fait, c'est le lieu. Je trouvais que le réalisateur et son équipe avaient trouvé vraiment un lieu génial. Si c'est tout filmé dans le même bâtisse, ben, je pense que oui, parce qu'ils se promènent des fois des longs plans où on les voit se promener dans les couloirs et tout. C'est crissement creepy comme endroit. C'est vraiment bien fait comme place, là, tu sais. Puis le sous-sol est creepy. Tu sais, c'est le genre de film, on dit tout le temps ça dans les films d'horreur, tu sais, que. Ça nous fait nous poser des questions. Qu'est-ce qu'on ferait, nous autres, dans la place des personnages? Ben moi, je ne mettrais pas les pieds dans le sous-sol de là. Ah non, quand les deux gars vont fouiller pour un autre gars, pour le caméraman ou je sais pas trop quoi, puis sont avec les trois faux clowns, les trois dummies qui sont là, puis après ils s'enferment tous les deux dans un genre de congélateur pendant quelques instants parce qu'il y en a un qui a vu les dummies bouger. Je suis comme, puis sacré votre camp, allez-vous-en, tu sais. Moi, je resterais pas là, tu sais. Ah, il y a plein de choses qui... C'est ça, là, j'ai trouvé ça intéressant, tu sais, assez pour pour pas avoir envie de l'arrêter ou quoi que ce soit, là. J'étais assez pour me rendre jusqu'au bout, puis j'étais intéressé. Mais j'aimais pas les personnages. J'aimais surtout le personnage principal, c'est Alex, celui qui a créé la bâtisse, qui a eu l'idée de la je veux dire pas créé la bâtisse, mais qui a eu l'idée de la maison hantée. Je l'aime pas pantoute, mais en fait, on n'est pas, je pense, supposé l'aimer, mais ouais, je l'aime vraiment pas, ce personnage-là. Il y en a pas que j'aime vraiment, tu sais, ils sont pas attachants, puis... Puis il y a des bouts inutiles aussi, je voulais dire, des bouts inutiles au début, comme les gars qui parlent à la caméra, tu sais, le bonhomme barbu qui parle, puis tout, ça sert pas à grand-chose, tu sais, le début est long avant qu'on arrive avec la gang vraiment qui s'installe dans la maison. OK, là, c'est intéressant, à partir de là, c'est intéressant, mais le début, c'est comme, tu veux nous envoyer où? Moi, je pensais qu'au début, les personnages principaux, ce serait ceux qui filment Sarah, qui interview Sarah, tu sais, je pense que c'est Sarah son nom, qui l'interview, tu sais, puis tout, ou, ouais, c'est Tara ou Sarah. Tara, c'est dans l'autre film. C'est Sarah. C'est Sarah. Puis c'est ça, tu sais, qu'il l'interview. Puis tout, je pensais que ce serait eux, ce sont là, puis ils s'ostinent, puis ils parlent à la caméra un peu, puis finalement, c'est pas eux autres. Puis, tu sais, les gars qui parlent à la caméra comme des témoins, tout ça, ben, on les voit presque plus manier au milieu du film. Tu les vois juste réapparaître de temps en temps, mais plus tant que ça. Puis c'est ça, tu sais, c'est. En gros, j'ai. Ben, on va continuer à en parler, mais en gros, c'est ça. J'ai pas détesté, mais j'ai pas. Eu la frousse que j'aurais voulu avoir, puis c'était les personnages n'étaient pas vraiment attachants non plus, tu sais. Fait que vous autres, qu'est-ce que vous avez pensé? Faut que tu nommes une personne, là, on peut pas se parler à l'un par l'autre. Et l'animateur, J'ai de la misère à décider. Steven, vas-y. OK, ben écoute, moi, ma dernière expérience avec un screener de fan footage que j'ai eu Sébastien était désastreuse. The Dark Tape était tellement épouvantable que je ne voulais plus jamais faire de screener pour Horror Gamer. Mais là, tu as proposé ça, puis Jean-François Ouellette, mon collègue de Science de Minuit, en avait parlé un petit peu en bien. Fait que je me suis dit, OK, pourquoi pas? On peut bien réessayer. Je n'avais pas des grosses attentes. Et moi, ça a été une bonne surprise. Comme je te dis, je n'avais pas d'attente. Je ne m'attendais pas à voir la chaîne. Mais je trouve que le concept est intéressant. Dans le sens que on va suivre un groupe qui vont construire une maison hantée pour l'ouvrir et essayer de faire devenir big avec ça. Mais tu sais, au début, le film commence avec l'ouverture qui se plante, qui arrive de quoi, mais on ne sait pas trop. Fait que, déjà en partant, je trouve que dans un fan footage, ce qui est bon, c'est de piquer ma curiosité avec du mystère. Fait que là, déjà, j'étais intrigué, je voulais savoir qu'est-ce qui se passait. J'ai pas trop aimé la sous-intrigue de Sarah, la survivante, qui parle. Puis qu'ensuite, ça va être relié. T'sais, dans ma tête, c'est comme, montre-nous juste les tapes de eux qui pendant 30 jours. T'sais, cette intrigue-là, moi, n'était pas nécessaire. Fond, comme la finale n'est pas nécessaire. Il aurait pu commencer comme hashtag Screamer, pas de titre, rien, puis commencer direct avec les tapes. T'sais. Je dis pas que hashtag Screamer est meilleur, mais juste commencer avec les tapes comme ça, pour pas faire d'entrevue au début. Là. Fait tu sais, ce que j'ai vraiment aimé de ce film-là, c'est que le réalisateur est quand même un peu ingénieux. T'sais, il ne va pas dans la facilité. Il a compris que le fan footage, là, la plupart des erreurs qu'ils font, c'est les jumpscares inutiles devant la caméra, les bruits de statique de caméra qui fait des sauts à cause de leur son qui devient trop élevé. Il n'y a rien de tout ça. Il n'y a aucun jumpscare. Il n'y a aucun effet sonore. C'est de l'imagerie, le film. C'est vraiment, on met sur des images creepy pour créer une frousse ou un stress. C'est ça son truc tout le long du film. Puis moi, ça a vraiment fonctionné parce que je trouve qu'il y a une bonne progression. Au début, la première fois qu'on voit les clowns mannequins qui vont servir de décoration, t'es comme, ça me fait pas grand-chose. Là. Tu sais, c'est des masses de Dollarama que j'ai déjà vu. Mais la manière qu'il m'enseigne ces moments-là où la caméra se retourne, il revient puis la tête a bougé, je trouve qu'il y a vraiment des bons moments de tension. La scène du stroboscope, là, on la voit dans le trailer, mais la scène du stroboscope est intéressante. C'est vraiment réussi, elle est vraiment intéressante. Ouais. Il y a une scène qui m'a vraiment fait peur. Moi, j'ai écouté le film dans des conditions, puis il y a une scène où le personnage va voir un dummy à terre, une fille, puis elle va commencer à bouger un peu, puis il va se cacher avec le drap, puis à chaque fois qu'il relève le drap, il va voir le... C'est cette scène-là! C'est vrai, t'as raison, oui, OK, c'est beau, je m'en rappelle. Ah, c'est que ça m'a fait peur! Cette imagerie-là est venue piger dans mes angoisses de jeunesse. J'ai vu ma main dans mes yeux, c'est pour ça que je m'en rappelais plus. creepy. Mais j'avais souvent des jouets creepy. Puis des fois, le soir, j'avais peur qu'ils bougent. Fait que je mettais une couverture. Puis la pire image que je me faisais, c'est en relevant ma couverture, je pouvais voir la tête qui bougeait vers moi. Mais c'est ça que tu vois dans le film. Puis honnêtement, cette scène-là est vraiment efficace. Et je trouve qu'il y a plein de scènes de même qui sont vraiment efficaces. Tu sais, il y a un côté mystérieux, tu essaies de savoir ce qui se passe, mais tu n'es pas certain. Fait que ça te captive, puis je pense que ça crée une angoisse quand même assez efficace. Puis j'aime l'idée de. Tu sais, dans le temps des années 70-80, les maisons hantées, c'était à la mode, ça faisait peur. Tu sais, aujourd'hui, c'est ringard. Tu sais, je veux dire, tu vas à la maison hantée de la Ronde à Montréal, c'est plus vraiment effrayant. Là, c'est vraiment de repartir les bases de tout ça, puis de réussir à nous effrayer avec des accessoires, des choses qui arrivent dans des maisons hantées qui n'ont plus d'effet. Puis je trouve ça intéressant, puis je trouve que le réalisateur a une bonne façon de les mettre en scène pour nous creeper out. Les personnages, en tant que tel, c'est pas des personnages que tu t'attaches forcément, mais je m'en fous un peu. C'est comme une ride, ce film-là. Tu sais, c'est comme je m'amuse à avoir peur avec ces personnages-là, puis essayer de comprendre. La logique n'est pas là. Il n'y aura aucune explication à vraiment tout ce qui s'est passé, pourquoi ça s'est passé. Comme pour les réactions des personnages qui décident pas de s'en aller après 10 jours, qui arrivent des choses vraiment weird. Il n'y a pas d'explication, puis ça ne me dérange pas. Je trouve que le film puise sa puissance, entre guillemets, dans son non-dit. Et tu sais, il y a même des petites anecdotes qui sont là pour venir amplifier l'atmosphère. Tu sais, qu'est-ce qui s'est passé dans l'hôtel avant avec le gars qui s'est pendu, tout ça. Je trouvais que ça venait créer encore des éléments intéressants. Enfin, sans être un film révolutionnaire ou quoi que ce soit, je trouve que dans toute la marre, désolé mon langage, de found footage qu'on a eu, je trouve que celui-là se démarque un peu et est quand même assez efficace. Fait que j'ai passé vraiment un bon moment puis je m'attendais pas à ça. Fait que j'ai été surpris. Tu me fais penser 2 secondes à la scène qui se passe comme dans un Le champ, piano. là. Non, ben, hein, laquelle? Mais j'allais pas compris celle-là. T'as pu J'allais pas compris. rappelle, dis-moi, c'est quoi la scène, t'as dit? Moi? Oui. Oui, la scène du piano où que tu vois le caméraman qui se pratique avec un des dummies à faire un thème de piano, puis plus tard dans le film, durant la nuit, tu entends le thème Oui, du oui, oui. piano qui joue, mais on sait que le caméraman a disparu. Fait que les personnages descendent en bas jusqu'à temps qu'ils se rendent au piano, tu as un build-up, puis tu es stressé, tu es comme c'est qui joue le piano puis le thème. Fait que je trouvais que ça marchait au bout, j'avais vraiment un stress constant avec ça. Non, quand tu parlais des personnages qui s'en vont pas quand ils ont eu la chienne, pis tout, tu sais, je pensais aux gars qui justement sont dans une scène, dans un champ, là, tu sais, puis ils disent, oh, tu sais, un qui est vraiment traumatisé, il vient, je pense que c'est l'affaire du sous-sol que je parlais tantôt, là, tu sais, il était vraiment traumatisé. Puis pourquoi est-ce qu'il est revenu? Ça, j'ai plus ou moins compris, puis il parle d'Alex, là, tu sais, puis il dit, ouais, tu sais, il y a comme une, je pense qu'ils ont donné une raison au gars pour revenir, mais on la connaît pas vraiment cette Mais je la raison-là, tu sais. comprends pas. Ouais, Moi, je la comprends pas. J'ai parce que reculé le truc deux c'est fois. pour aider Le Alex, je pense. C'est parce que c'est pour y ouais, rendre mais le service. cahier note, le cahier de notes avec des trucs, c'est Alex. Oui, c'est ça. Ouais, c'est Ouais, ça. fait que c'est ça. C'est ça. C'est ça qui revient. Genre, il l'a envoyé chier en disant, ouais, c'est ça, va l'écrire dans ton cahier de notes. La scène d'après, c'est ça. Fait que c'est comme s'il disait, t'as vraiment été vache d'y parler de ton cahier de notes. C'est comme, hein? Mais en même temps, c'est logique, tu sais, là, on ne sait pas pantoute pourquoi, parce qu'il ne se filme pas en train de le dire, mais je veux dire, c'est ça. On est supposé voir des tapes de 30 jours de la construction de la maison hantée. C'est sûr qu'on ne va pas avoir tous les éléments dans cette tape-là qui va tout nous expliquer. Fait que c'est normal qu'on reste sans réponse sur les raisons pourquoi il veut vraiment aider Alex, par exemple, ou ces choses-là. Enfin, c'est pour ça que je dis que dans le non-dit, ça me dérange moins quand c'est supposé être un found footage éparpillé de gens qui sont en train de justement créer la fameuse maison. Là. Ouais. Puis toi, Vicky, qu'est-ce que t'en as pensé? Ben, moi, après m'avoir fait chier avec d'autres films cette semaine, j'ai écouté et j'ai adoré parce que justement, j'avais écouté d'autres films qui m'avaient royalement emmerdé. Celui-ci, j'ai vraiment, vraiment embarqué. Moi aussi, j'avais un peu peur, tu sais, un screening envoyé de films amateurs, faites-nous une critique, j'étais comme bon, ça va être quoi? Regarde, j'ai été emportée dans l'histoire. Au contraire de vous, ça m'a pas dérangé les interventions au début du film. Ceci dit, ça me fait poser la question de qui a fait ce film, dans le Ouais. sens où il y a du Il y a du montage dans le montage, il y a de la film, musique, il y a des sons. il y a du montage, il y a de la musique, il y a des sons, il y a des liens entre les éléments. Fait que je me dis, s'il y a un montage, c'est que ce film-là, c'est un rendu. j'aurais cru que ça aurait été le rendu des gens du début du film. Ouais. Puis finalement, ça ne l'est pas. Fait qu'à un certain moment, à la fin du film, je me dis, qui a fait ce film et qui devrait voir ce film? Dans le sens où, on a vu tout le film, il dure 1h35, et la dernière image du film, le dernier plan du film, c'est la gang en disant, on ne saura jamais ce qui est arrivé. Puis t'es comme, ben ouais, je viens de voir le film. Fait que tu sais, c'est comme, j'ai l'impression, puis ça, c'est des seules erreurs que j'ai trouvées au film, pour être franche, là. Mais j'ai l'impression que le film se perd de qui a fait le film, qui est à l'origine du montage et du film de A à Z. Parce que c'est ça, quand on voit la fin en disant on saura jamais qu'est-ce qui est vraiment arrivé, ben t'es comme, ben oui, je viens de le voir. T'sais. Mais sinon, j'ai adoré l'histoire. Oui, les personnages. J'en ai deux, trois que j'ai confondus tout le long du film. Là, c'était ouais, comme ouais. Le barbu, le brun. Ah ouais, l'autre. Ah ouais, l'autre. Ah la fille. T'sais, comme à un moment donné, j'ai différencié plus. Ça me dérangeait pas tant. Je pense que c'est vraiment vers un moment donné, j'ai fait, mais c'est qui tient la caméra dans la maison hantée? Puis j'ai fait, ah ouais, je pense qu'il y a un autre personnage. Puis c'est genre dans la scène où que justement, ils sont dans le champ, j'ai fait, hey, je me souvenais tellement pas que t'existais, toi. Mais le film est tellement efficace au niveau de la peur que je m'en foutais un peu, pour vrai. T'sais, c'est vraiment, ce film-là me faisait peur. J'embarquais dans l'histoire, je me sentais comme un membre de l'équipe qui construit la maison. Le film pose plein de questions, puis il laisse plein de trucs en suspens. Par exemple, il dit que quand on cherche la maison sur Google, on voit Alex qui est dans la maison, mais Alex ne peut pas être dans la maison à ce moment-là. Fait qu'en tout cas, c'est plein d'affaires que je fais comme, mais c'est vachement bon. Il y a plein d'idées lancées, il y a plein de trucs amené dans ce film-là. Je trouve qu'il y a une belle maîtrise de l'horreur dans ce film-là. Il y a une belle maîtrise de qu'est-ce qui fait peur aux gens et comment leur faire peur. C'est vraiment rafraîchissant de voir un film qui réussit à te faire peur ou à te stresser sans aucun effet. Tu sais, vraiment, je parle vraiment aucun effet facile, là. Puis on est tellement habitué au found footage que c'est tout le temps quelque chose qui nous pop d'en face ou une espèce de son full strident inutile, tandis que là, jamais. C'est cool. Le son strident inutile, il arrive une fois, puis c'est genre quand il essaye d'appeler quelqu'un, puis il est comme, ça sonne, puis là, ça répond, puis ça fait « Ah! » Mais tu sais, c'est pas dans tes oreilles, parce que c'est dans le film. Ouais. C'est dans le téléphone du film, fait que c'est pas agressant du tout. Autre petit défaut du film, vous disiez qu'il jouait pas beaucoup avec les sons, ou comme tu dis, Steven, ils font pas beaucoup de distorsions. Non, mais je trouve qu'il abuse de la caméra, qu'il y a de la misère avec ses pixels. M'amener à la fin et tout, je trouvais qu'il abusait un peu du grichage, puis des petits carrés qui marchent pas, puis tout là, c'est comme, on dirait que c'est un effet, puis un petit peu rajouté. Je voyais un peu de fake, mais encore là, c'est des détails. Là. Mais c'est drôle, ils font souvent ça des films, parce que tu sais, on s'entend que l'effet qui semble arriver dans cette maison-là est surnaturel, puis dès que dans les found footage, il y a du surnaturel, on dirait qu'il faut que ça soit automatique, que la caméra fuck un peu à cause de la distorsion, mais j'aimerais ça m'emmener un film qui ferait comme fuck, non, ça va rien changer. Les effets sont naturels, puis la caméra va juste être clean tout le long. Je trouve que ça serait le fun. Ouais, parce que ça, c'est un tout d'accord qu'à un moment donné, il y en avait un petit peu trop, surtout rendu à la fin. Là. Je trouve qu'il y en a vraiment moins que ce qu'on a pu voir ailleurs. T'sais, surtout après The Dark Tape, je l'ai dit, ça, c'est comme invasion de distorsion. Je l'ai pas vu, c'est ça. Mais non, tu sais, je te dirais que la scène finale, puis la scène d'ouverture, quand tu vois l'ouverture de la maison, puis toute la merde qui arrive. Tout arrive un petit peu vite, tu vois pas trop ce qui se passe réellement. C'est peut-être un peu mon défaut dans le sens que c'est de la shaky cam vu que les personnages courent, c'est logique, mais je pense que c'est pas mal les seuls moments qui m'ont un peu déçu, entre guillemets. Tandis que tous les autres moments de frayeur dans le film, c'est une caméra quand même assez stable. Puis, Mais j'étais contente que la shaky cam soit reprise à la fin en disant « Tiens, c'était shaky, mais inquiétez-vous pas, on va vous refaire le montage en parallèle pour que vous revoyez tout. » Ça, j'avais vraiment apprécié, pour vrai. J'ai vraiment apprécié ça. J'ai trouvé que c'était un contrôle puis une belle maîtrise. Puis vous remarquerez le film, je sais pas si vous l'avez... Dans quelles conditions vous me dites les conditions, comme dans le noir et tout, mais moi, je l'ai vu, genre, dans mon bain. Avec la caméra, vraiment, le film vraiment dans ma face. Et il y a une énorme attention aux détails. OK? Énorme. Le personnage qui nous fait peur d'un drap revient à la fin du film. Il y a plein de moments où on voit des gens... Puis, c'est pas un technicien qui est mal placé. C'est des gens. Oui, non, c'est j'ai remarqué. Il y a beaucoup de. Oui, c'est ça. À la caméra, il y a beaucoup de figures qui apparaissent. Des fois, t'as l'impression. T'es même pas sûr. J'ai-tu vu quelqu'un? Il a-tu tourné? C'est-tu un mannequin qui s'est viré de bord? Ou ben, tu sais que. Très souvent. Oui, ça arrive souvent. Ça, j'ai aimé cet aspect-là. Ouais, quand la reporter rentre dans la maison à la fin, à un moment donné, on voit un des gars. Très bien. Ouais, c'est vrai. Je sais pas lequel, parce que je mélange tout, là. Mais très bien. Puis j'étais comme. Puis on le dénote pas. On fait non, pas. Oh, as-tu vu ça? Puis on revient. Non! Mais ça aussi, c'est peut-être un petit problème aussi du film, c'est qu'il y a une seule fois où il revoit les footage. Mais tu sais, quand il ostine le gars que les têtes ont bougé ou pas bougé, réécoutez-les, vous allez le voir qu'ils ont bougé. Mais ça, c'est un petit peu con, mais je pense qu'il était juste fatigué et tanné, là. Moi, ce que je disais tantôt, ça m'a pas fait aussi peur que j'aurais voulu. J'aurais voulu qu'ils mettent ça, la coche, une petite affaire, tu sais, une coche de plus ou deux, là, tu sais. Genre, tu sais, j'ai trouvé... quand même pas trop menaçant. Il était menaçant, t'sais, les mannequins, les dummies, mais des fois, il faisait juste être debout puis pas bouger, puis j'étais comme... Je voulais pas nécessairement qu'il court vers la caméra en criant, mais qu'il... J'ai pas une petite affaire de plus. Faites-moi un petit peu plus mais peur, ça y va Mais ça y va tranquillement, tu sais. Il bouge de plus en plus, puis à un moment donné, c'est comme... Il attaque littéralement, fait que je sais pas, c'est parce que si les demi commencent trop tôt à commencer à courir ou de quoi, ben ils t'offrent pas 30 jours jusqu'à l'ouverture pour faire ça rendu là. Peut-être que j'aurais voulu voir un petit peu plus c'est quoi qui attaque à la fin, t'sais, c'est qui les figures avec des... En tout cas, je spoil un peu, là, mais c'est qui attaque à la fin, t'sais. On n'a aucune réponse, puis c'est le fun en même temps. Je m'en doute un peu parce qu'on donne des connotations bibliques à tout le film, là, t'sais, puis on est dans Buffy un peu, là, on est dans... C'est ça, c'est le Hellmouth. Ouais. C'est ça, puis t'entends les sons de chevaux. C'est drôle, hein? Moi aussi, j'ai pensé à Buffy, mais... Ouais, les chevaliers de l'Apocalypse, là, avec les sons de chevaux, puis tout. Moi aussi, j'ai pensé à Buffy, mais pour le contraire. Dans le sens où tout est un build-up pour l'Halloween, puis j'étais comme, non, selon Buffy, l'Halloween, c'est la journée où il se passe rien. Ouais, c'est vrai. Non, c'était bon. Je le reverrais, je pense, le film, je le reverrais. Je conseillerais du monde. T'sais. Je conseillerais aux gens de regarder aussi. Ça. Aussi! C'est un bon fan de footage. Aussi, je le conseillerais. J'aime pas les personnages, mais c'est un bon fan de footage. Puis ça, c'est parce que j'ai vu l'autre avant, puis je te dirai tantôt, mais j'aime plus les personnages de l'autre. Faut pas mélanger les deux films. Ouais, mais moi, je voulais parler en premier à l'autre en disant, Jean-François va vous dire que les personnages sont le fun, écoutez-le pas. Je le savais que t'allais dire que t'aimais les personnages, j'étais comme, Jean-François va vous dire ça, écoutez-le pas. Fait que, on a-tu fait le tour avec ce film-là? Je pense que oui. Ouais, ben, hein? Oui, parce que je veux pas tout spoiler. Ouais, moi non plus. C'est le fun de découvrir les scènes. Puis, on a quand même déjà mentionné une des meilleures avec le drap quand le gars se cache. Mais honnêtement, j'ai écouté le film avant hier. Puis je l'ai écouté dans les bonnes conditions. T'sais, je me suis dit, tant qu'à le faire, je vais le faire pour de bon. Il était minuit, Chantal dormait à côté de moi. J'écoutais ça dans ma chambre. Et tu sais... J'avais peur de me retourner puis voir des ombres, tu sais, voir que quelque chose qui était là. Mais... Puis cette scène-là m'a vraiment freaké out. Oh elle est vraiment efficace. Elle est efficace. Je comprends pas pourquoi le gars allume sa caméra. En tout cas, elle est efficace. Elle est vraiment efficace. Ouais. Bon, ben, on va passer en musique avec un choix de Steven. Hey. Non? Oui, quoi? Les recommandations? Oui, recommandations. Excusez. Écoute, Moi, je dirais, allez voir ça sur Shudder. Peut-être que ça vaudrait l'achat pas cher, hein, mettons. Là. Moi, je serais prêt à l'acheter et de l'avoir dans ma collection, mais il est disponible sur Shudder. Fait que allez-y, ça vaut vraiment le coup. Puis si vous n'êtes pas abonné à Shudder, ben, qu'est-ce que vous attendez? Il y a déjà tellement de bons stocks là-dessus, ça vaut le coup pour 5$. Toi, Vicky? Moi aussi, c'est... Mais c'est parce que j'allais dire si vous le trouvez pas cher, mais c'est le genre de truc que tu peux pas trouver. C'est le genre de truc que tu cherches sur Amazon, sur leur site à eux, ouais. Tu sais. C'est le genre de truc que tu tombes pas dessus par hasard. Fait que si vous l'écoutez, ben je pense que vous allez avoir envie de l'acheter. Fait que, je sais pas c'est quoi quel genre de recommandation, mais c'est un bon film. C'est un très bon film que je conseille sur Shudder. Puis si vous êtes capable de le trouver, de faire un achat. Peut-être pour encourager aussi la gang, parce que nous, dans le screener, on avait aussi la vision avec le Director Scott. Puis tu sais, le Director Scott, il disait... qu'il avait adoré faire son film, mais il était déçu de sa scène finale au sous-sol. Il aurait aimé ça en faire un petit peu plus, puis il savait ce qu'il aurait fait d'un petit peu plus, mais il voulait pas le dire pour pas que les gens en attendent, mais il était un petit peu déçu. Puis il disait, avoir eu plus de budget, je serais allé au bout de mes désirs. Où je veux en venir, c'est que si vous trouvez le film, sais, sur le site direct du gars de la réalisation puis de la production. Achetez-le pour qu'il y ait un peu plus d'argent pour faire ses prochains films. C'est ça. En même temps, tu sais, ton budget il est limité. Fait que, tu sais, tu peux pas aller dans le spectaculaire forcément vers la fin quand tu veux faire de quoi. C'est ça qui est plate, là. Sur le site lhouselllc.com, ils vendent le DVD 15$ plus shipping, 15$ canadiens. Puis toutes les ventes du DVD vont financer l'éventuel sequel du film, l'éventuelle suite du film. Qui s'appelle LHouselllc2, deux petits points, The Abaddon Hotel. Puis je pense. Puis pour. Ben, si ça s'appelle The Abaddon Hotel, ça va sûrement raconter l'histoire de l'hôtel, mais avant. Je pense que ça va être un prequel, j'imagine. Ouais, ça pourrait être intéressant. Ouais. Puis ceux qui ont vraiment aimé ça, moi je l'ai pas vu, mais mes collègues disaient que ça ressemblait beaucoup à ce film-là qui a été bien aimé. The House October Build. Il y a le 2 qui est sorti cette année, mais c'est un film qui mise un peu là-dessus, sur une genre de maison hantée, puis ça marche avec les images creepy, puis avec un côté maison hantée. Puis j'en avais entendu quand même beaucoup de bien, fait que ça pourrait être genre un bon double feature avec L-House LLC, je crois. Là. Fait que moi aussi, je recommanderais Shudder, ou même l'achat 15$, c'est pas si cher que ça, le DVD. Puis si ça encourage une suite, ben tant mieux, ce serait fun d'avoir une suite. Mm-hmm. Puis il y a plein de bonus. Les bonus qu'on avait sur nos screeners sont sur le DVD aussi. Fait que là-dessus, nice. On va se quitter sur la... Ben, on va pas se quitter. On va aller juste en chanson, puis on va revenir tout de suite après avec notre critique sur Screamers. La chanson, ça va être la tune de Rob Zombie, House of a Thousand Corpses. Fait que, à tout à l'heure! Police have identified more victims and plan on more than just the 4 murder charges filed today. Confirm earlier reports of cannibalism. The building was a scene of ghoulish slaughter. A large kettle on the stove which held boiled body parts. Identified more victims. Killed even more. And plan on more than just the 4 murder charges filed today. Had sex with some of his victims before he killed them, and that he was also a necrophiliac. Yeah. identify most victims. Alors, revient à moi le grand plaisir de vous décrire hashtag screeners, screamers, lui, le deuxième film. Ah, oh, bon, t'as dit. Okay. C'est déjà méchante, C'est l'histoire de web designers qui reçoivent une vidéo un peu freak, puis il la trouve vraiment hot, ils se la partagent en gang, puis là, finalement, ils reçoivent une deuxième vidéo de la même. Les mêmes producteurs de vidéos. Puis là, ils disent « Hey, on va mettre ça sur notre site Internet. » Puis, avant, ils font un petit peu de recherche puis ils se rendent compte qu'il y a un numéro de téléphone associé à la vidéo dans la recherche de métadonnées. Et ils appellent ce numéro-là. Là, la personne leur répond. Puis là, on n'arrête pas de leur dire « Ouais, mais Francis. » Finalement, on s'en fout, mais en tout cas. Puis, les gars, ils disent « Ah, c'est cool. On veut l'exclusivité de cette vidéo-là. » Et ils la uploadent sur leur site pour finalement se rendre compte qu'elle met en scène une femme disparue depuis 2 ans? Ouais. 4 ans? Deux ans. Une femme disparue depuis 2 ans. Et là, ils décident d'aller enquêter parce qu'ils ont l'impression de s'être fait avoir puis de s'être fait rire d'eux par des trolls sur leur vidéo. Alors, ils décident d'aller enquêter sur l'origine de la vidéo en regardant un peu les indices de la première vidéo. Et ils se ramènent, ils s'en vont dans la maison auraient été tournées les dites vidéos. Dans la ville et la maison où auraient été tournées les dites vidéos. C'est correct, ça, comme... Ouais, c'est bien correct. Sans trop aller dans les spoilers, si on veut. Et ton opinion, Vicky, en bref? Putain que ça m'a emmerdé! C'est que j'ai trouvé ça long pis plat! Pour vrai, les gars, là, j'écoutais ça à job pis là, je regardais le temps passer pis je faisais 15 minutes, 20 minutes, 25 minutes, 30 minutes, 33 minutes. J'ai un tabarnak, vas-tu se passer de quoi à un moment donné? Ça fait 33 minutes, pis t'es rien passé! Puis là, tu sais, GF, je vais la faire, ma phrase, je m'en fous. GF va vous dire que les personnages sont intéressants. Ben oui, ils sont intéressants, mais on est dans un film d'horreur. J'écoute pas Friends, tabarnak, j'écoute un film d'horreur. Je m'en crisse-tu que c'est pas bien développé, les hosties de personnages? Tu sais, les acteurs sont bons, les personnages sont le fun, mais il n'y en a pas un qui meurt. Mourez! On est dans un film d'horreur! Ah, je suis pas capable. Puis là, en plus, à l'extrême, un des trucs qui me pue le plus au nez sur Internet, la putain de clickbait, la putaclic, l'espèce d'idée de clic ici, ces gars-là l'incarnent au complet. Puis là, ils se font avoir à leur propre jeu. Ça les met en maudit, fait qu'ils veulent être sûrs de ne pas s'être fait avoir, fait qu'ils vont essayer de faire du cash encore plus pour prouver qu'ils ne se sont pas fait avoir, puis ils se sont dit, bien, si on s'est fait avoir, au moins on va faire du cash sur notre histoire. Puis ça m'énerve. L'autre affaire, tu dis, JF, dans la première partie du podcast, tu dis, au moins ça commence tout de suite. Sauf que c'est pas vrai parce qu'il y a du montage dans le film. Il y a un insert de neige d'hiver qui donne un peu la prémisse à la fin. Oui, t'as raison. Ça me gossait cet insert-là parce que j'étais comme, je le sais ce que tu veux me dire, je le sais où tu veux t'en aller, mais dans la logique même intrinsèque du film, ça ne fonctionne pas, cette prémisse-là. Fait que le film emmerdé total. Les gars, ils ont de l'orgueil mal placé. Je pense qu'à un moment, genre, le gars, il niaise à quel point il est en amour avec la fille, mais il y a eu genre 2 conversations téléphoniques vraiment poches avec elle, tu sais. Puis t'es comme, ben, tu peux pas avoir créé un lien, là. À la limite, t'es froide et étrange. Autre affaire, dans l'épisode dernier, je vous ai dit à quel point j'aimais pas quand... ou dans 2 épisodes, en tout cas, je vous ai dit à quel point j'aimais pas quand la finalité d'un show, c'était les nazis. Tu sais, puis, tu sais, quand que, ah ouais, ben finalement, c'était des nazis, fait que, tu sais, c'est le mal incarné. J'avais oublié quelque chose. Quand qu'on parle de Jack l'Éventreur, aussi, ça me fait chier. Oui. Aussi, ça aussi, je trouve que c'est une sortie puis une finalité vraiment easy, genre, ouais, ben, tu sais, on n'a jamais su c'était qui Jack l'Éventreur, fait que ça va être lui, OK? Puis là, tu sais, ils vont à la tombe du gars. Je fais une histoire. Je vais revenir au film. Ils vont faire une enquête, puis l'enquête les amène dans un cimetière, puis là, ils vont à la tombe du gars qui se trouve dans le film. Le fameux Francis. Il y a comme... Ouais. Puis là, il y a comme... Le monde sont comme... Ouais, c'est sa tombe. Puis là, l'autre, il est comme full douchebag, genre sale trou de cul. Puis là, le gars, il était comme... Ben, son ami, il fait, ben voyons, tu sais, calme-toi. Il dit, ben là, c'est Jack l'Éventreur, il mérite aucun respect. Mais je suis comme... Tu tiens ta source de Wikipédia, man. Tu t'arrêtes d'insulter une tombe parce que sur Wikipédia, ça te disait que c'était lui, Jack l'Éventreur. Come on! Fait que... Non, non, non. J'ai vraiment détesté ce film. Détesté ce film. Mais oui, tu sais, les personnages sont pas bien swell. Je voudrais bien être leur ami, là. On se paye un café, guys, puis on déjà. Ben, c'est ça. Je vais y aller. Je vais embarquer tout de suite avec mon opinion en bref. Mais moi, j'ai aimé les personnages. C'est vrai que j'ai aimé les personnages. C'est le contraire de l'autre film, comme je disais tantôt, parce que la portion horreur, c'est nul, nul, nul. Mais j'ai aimé tout le reste, parce que moi, j'aurais continué... Avant que ça vire en film d'horreur, j'aurais continué à regarder. Toi, tu me disais, là, je vois que tu m'as écrit, t'as écrit ton statut, ça fait 15 minutes, tu dois déjà être écœuré du film. Non, j'aimais ça les suivre. Moi, je voulais continuer à voir les bureaux, tout ça, tu sais. OK, c'est très, très cheap, c'est un genre de Google pour les pauvres, tu sais, leur site, puis c'est très, très cheap. Ça fait penser, tu sais, s'il y avait eu du budget un peu, leur bureau ressemblerait, tu sais, comme dans le film avec Owen Wilson, quand il va travailler à Google, ça ressemblerait à ça. Mais oui! S'il y avait du budget. Mais c'est BuzzFeed, leur site, c'est un BuzzFeed. C'est BuzzFeed, c'est Google, c'est ça, tu sais. Ils veulent vous connaître, connaître vos habitudes de consommation et tout ça, tu sais. Ils veulent savoir sur quoi vous cliquez, tout ça, tu sais. C'est un site qui veut vous espionner, tu sais. Mais ils sont nuls comme geeks. Parce que des vidéos comme ils se font envoyer, on a vu ça il y a 10 ans, 12 ans, tu sais, des screamers, comme ils appellent, des vidéos, on en parlait, moi et Steven, tantôt, avant l'enregistrement, mais c'est des affaires qu'on a vues il y a 10 ans, tu sais, des vidéos où t'as une affaire bien, bien calme, bien paisible qui se passe, puis bang, à la fin, t'as une petite face qui t'apparaît à l'écran, puis qui crie, tu sais. C'est le genre d'affaires qu'on voit plus de nos jours. Puis les autres, ils disent, ouais, on met ça sur le web, ça va attirer du monde, puis tout. C'est comme, ouais, mais c'est vieux, c'est démodé, c'est comme ça pogne plus, cette affaire-là. Mais dans leur univers, ça pogne au bout, tu sais. Les ou le réalisateur ou les auteurs du film ont fait, tu sais, ils ont une vieille vision de l'Internet, là, c'est une vision de 10 ans, là. Non, mais en fait, c'est parce que dans le film, ça, c'est jamais arrivé. C'est comme si la vidéo qu'ils ont reçue de ça, c'était la première fois. C'est pour ça que quand ils la postent, ça devient super viral parce que c'est nouveau. Fait que j'ai juste pris en considération qu'il n'y en avait jamais eu dans le film. J'ai pensé ça aussi, dans le fond. C'est comme ça qu'il faut le voir, je pense, le film. Là. Ouais. Mais tu sais, c'est ça, je déconne un peu, j'essaie de trouver des points. Mais non, mais c'est ça. la portion horreur du film marche pas en tout. C'est décousu, c'est maladroit. C'est du cliché à la mort. Tout ce qui... On va fouiller dans la maison, autour de la maison. Il y a justement... on voit quelqu'un à la caméra, quand la caméra passe vite à côté, sur la grange, tout ça, puis après ça, on check le tape, puis on le voit. Puis, c'est le genre de truc que l'autre, il maîtrisait au bout, L House, LLC. Que tu vois une figure, mais on revient pas nécessairement dessus, mais toi, tu te demandes, je l'ai-tu vu, mais je l'ai pas vu. Oui! Puis dans Screamers, on te le montre. C'est comme, ah, OK, on l'avait bien vu. Mais il n'est pas si effrayant que ça, puis c'est dole, tu sais. C'est le seul bout un peu épeurant. Ouais. Dites-moi le pas que je l'ai vu. Puis tu sais, c'est ça, t'sais, ça va d'un cliché. Tu sais, la première personne, ben là, ça me dérange même pas de le spoiler, je m'excuse. Il va y avoir des petits spoilers, tu sais, skipper deux minutes peut-être, là, mais... la première personne qui meurt, c'est le noir. Cliché de film d'horreur, tu sais. Ça fait aucun sens. Tout ce qui se passe dans la maison... Laisse ça tomber la caméra. Oui. Il laisse tomber la caméra, puis au lieu de juste rewinder, parce qu'elle est ouverte la caméra, rewind, tu vas voir ce qui s'est passé, ben non, il cherche son... puis il crie. Mais tout ce qui se passe dans la maison fait aucun sens, puis tu sais, c'est juste con que l'entité, la créature, peu importe, utilise le même putain de cri qui vient même pas d'elle, c'est un cri pris sur Internet, tu sais, le fameux cri qu'on entend dans ces vidéos-là, Screamers, tu sais, qui est fake à mort. Je l'écoutais avec des écouteurs encore dans les mêmes conditions que l'autre film, tu sais, dans mon salon, lumière tamisée. La seule fois que j'ai fait un saut dans un film, c'est le premier vidéo qu'on voit avec le cimetière et tout. Puis après ça, mais toutes les autres fois, j'étais comme, mais là, chez moi, avec ce cri-là, c'est ridicule, c'est con. Puis toute la finale, mais c'est le concept du film. C'est... Ouais, je sais, mais toute la finale fait pas de sens avec la fille qu'on voit de dos dans le coin qui se tortille. Là, je me dis, elle va se virer, avoir la face de démon, peu importe. Non, il se passe rien avec ça, tu sais, c'est... il se passe rien avec rien, tu sais, c'est comme, il y a rien qui se passe à la fin. La cousine, le personnage pertinent de la cousine. Est-ce que t'es ça un peu, t'essaies de trouver des bons points parce que t'as aimé ça le film ou bien tu nous, Steven? Écoute, je sais pas ce que j'ai, moi j'ai pas détesté, écoute, c'est vraiment pas du même calibre que House LLC. Je trouve que Screamer a vraiment pas de viande, il y a pas beaucoup de scènes d'horreur. Non. Et les 30 premières minutes, c'est un très très très long build-up. Tu sais, je comprends le build-up de t'immerger pour que tu crois que t'es vraiment dans un documentaire. Fait, tu sais, il nous montre l'endroit du travail, comment ça s'est fondé, tout ça. Je trouvais ça vraiment trop long, mais les personnages, les acteurs jouent quand même relativement assez bien. Ouais, j'ai bien. Trouvé vraiment j'ai trouvé le fun comme Jeff au point que je passais par-dessus ça et ça me donnait envie de continuer, mais je savais pas aussi que ça s'en allait une histoire. Puis là, quand j'ai vu que, dans le fond, le film, le concept se base sur la petite vidéo de une minute que vous avez tous vu d'une voiture qui roule sur l'autoroute, puis là, tu fixes la voiture, puis là, il y a un zombie qui t'apparaît d'en face. Mais c'est ça, mais sur 1h30. ils ont fait un concept avec ça. C'est crissement casse-gueule. Puis comme Jeff le disait, en fait, c'est dans l'univers du film, ben ces vidéos-là n'existaient pas. C'est comme la première fois. Fait que c'est pas comme le monstre, ils ont pris le cri de les vidéos que nous on vu. Non, ça voudrait dire que les vidéos que nous on a vues sur la net, c'est le boogeyman, t'sais, en tant que tel, du film. En tout cas, le boogeyman porte du noir avec un masque et on voit un bout de cou. Ben écoute, rendu là, je sais pas, là, c'est, je veux dire, c'est une petite production, mais l'idée, je la déteste pas, je crois juste que c'est peut-être pas si bien exploité, mais je trouve qu'il y a un aspect de le film, moi j'ai trouvé quand même assez réussi, c'est son mystère, c'est ça que je parlais de Hell House, LLC, c'est qu'avec son mystère, c'est ça qui m'accroche, puis avec ce film-là, je trouve que là où les moments où il fonctionne, c'est quand il est mystérieux puis qu'on n'a pas d'idée. À partir de quand il commence à découvrir que la fille qui a appelé, qui est responsable des vidéos, c'est une fille portée disparue, j'étais comme ok, nice. Puis tu sais, là, il y a des éléments de mystère qui embarquaient. Tu sais, même l'affaire de Jack Reaper, j'ai pas détesté. Il n'y a rien qui confirmait que c'était ça. C'est juste ça venait de rajouter des effets, des éléments bizarres. Puis je trouvais tant qu'on n'avait pas de réponse ou d'éléments concrets, moi, ça m'intriguait. J'étais vraiment incrusté. Je voulais savoir ce qui se passait. Je voulais savoir c'était qui cette Tara-là, puis est-ce que c'était vraiment la fille kidnappée, Francis, c'est qui? Tu sais, il crée un genre de mystère quand même intéressant. Puis même le premier moment qu'ils vont à la maison, il fait noir sans téléphoner, puis ils arrivent sans prévenir. Tu sais, la maison, il fait noir, il fouille un peu alentour. Je trouvais qu'il y a un bon suspense parce que j'ai aucune idée d'où c'est que ça s'en va. Je sais pas ça va être quoi. Encore là, tu sais pas ça va être quoi le boogeyman. Enfin, je trouvais que ça fonctionnait. Au moment où que tout devient clair, puis les attaques arrivent, puis on tombe dans un Blair Witch à la fin, où ça court, puis ils se font attaquer. C'est plus ou moins efficace. J'ai trouvé ça un peu mal amené, quoique quelques plans intéressants, dont un dans un garde-robe, quand on se tourne vers les vêtements, puis tu vois les... Oui! Avec les souliers, je trouvais ça efficace. Puis mais c'est là que ça fait Blair Witch aussi, comme tu dis, avec la fille qui pleure, là, tu sais, puis à la caméra. Ouais, la fille qui pleure, ça fait Blair Witch, mais j'ai pas détesté ça. Tu sais, j'avais jamais envie de l'arrêter. Je trouvais qu'il y a quand même des trucs intéressants, puis Chris, je trouvais que c'était un fan footage, encore une fois, quand même un peu plus compétent que ben des marques que j'ai vu, puis je reviens à The Dark Tape. Là. Mais je sais pas, c'est vraiment pas du même calibre que Hell House, mais on dirait que j'ai pas passé un mauvais moment. Je trouve que le film a des petites qualités agréables. Est-ce que je le conseille fortement? Pas vraiment. Mais tu sais, je veux dire, le film est sur Shudder, puis vous pouvez l'écouter parmi le paquet de films à 5$ par mois. Je dirais, ben allez-y, il y a quand même suffisamment de mystère pour peut-être garder l'attention, mais... Mais il n'y a pas d'explication, tu sais, il n'y a pas de logique à son horreur, comme dans l'autre film, tu sais, l'autre, c'est ok, ça vient de sous la maison, tout ça, tu sais, mais dans celui-là, comme je disais, il rentre dans une pièce, t'as la femme qui se tortille dans un coin de dos, puis je me dis, ah ouais, possédé, peu importe, mais non, il se passe rien, tout ce qui se passe, c'est la créature encore qui apparaît à l'écran, puis qui fait un cri, puis qui les attaque, puisque... Donnez-moi une logique dans tout ça, tu sais. C'est pas une créature, c'est un gars habillé en noir avec un masque. Ouais, en tout cas, je dis une créature. C'est pas une créature. Oui, je le sais, mais tu sais, je comprends, c'est ça qu'ils veulent nous faire croire. Puis oui, le manque de budget, mais putain, c'est pas une créature. Faites-la plus floue, faites-la parce plus en arrière, je là, sais pas. L'effet, c'est souffle, vraiment, tu sais. L'effet, c'est souffle, c'est ça, c'est parce qu'il répète. Il répète tout le temps l'effet, alors que, tu sais, au pire, réutilise cet effet-là qu'il pop d'en face. passe comme dans les vidéos sur le net, mais de différentes façons. Je sais pas, tu sais, pas juste tout le temps de la même manière, mais écoute, Vicky, t'as pas vu de Duct Tape. Tu peux pas critiquer le masque ou l'effet. Honnêtement, la créature là, elle ressemble à une créature, contrairement à les autres créatures que j'ai vues. Mais le film m'a envoyé sur une couple de mauvaises pistes, une couple de fausses pistes que j'aurais aimé qu'ils explorent. Parce qu'au début du film, t'avais, quand ils font les tours des bureaux, tout ça, ils parlent d'une autre compagnie avec qui ils partagent le bureau, puis eux autres, ils sont un peu bizarres, mais ils disent pas trop, ils font juste, on n'a pas vraiment de communication avec eux autres, puis c'est... Au début, je me disais, ah, il y a peut-être quelque chose qui se passe avec eux autres. Finalement, il se passe rien avec ça. Puis plus tard. Non, c'est juste pour dire qu'ils ne seront pas manqués à personne. Il n'y a personne qui va y chercher. Ouais, il y a ça. J'y avais pas pensé, mais ouais. Puis plus tard, quand on voit justement les scènes dans. Quand on voit tout le temps les scènes qui entrecoupent, des fois avec la neige, tout ça. Puis quand on les voit plus tard dans le char, avec c'est enneigé, puis dehors, puis tout. Là, je me suis dit, ils sont sur la route dans le char. C'est le soir, il est plein de neige. Là, je me suis dit, ça va peut-être virer en histoire, genre de Lady in White, là, tu sais, qui vont croiser Tara sur le bord de la route, elle va lui demander de rentrer dans le char, puis une fois dans le char, elle va les attaquer ou peu importe, mais elle va se rendre compte qu'elle est morte, que c'est une... elle va dire, oh, je suis morte il y a 2 ans, puis ça va faire, là ça serait, c'est une affaire qu'on a déjà vu 1 million de fois sur YouTube, mais ça m'aurait fait peur encore plus, ça aurait joué un peu sur le truc. Ouais, ça aurait resté un peu dans ce concept-là des vidéos de YouTube, tu sais, on l'avait vu, ça c'était en Night Vision, puis ils prennent une personne sur le bord de la route, puis la fille se retourne, puis c'est un fantôme où sa face devient déformée. Je pense que c'est dans le premier épisode de Supernatural aussi, c'est le premier fantôme qu'il rencontre, c'est une Lady in White. Là, c'est une femme qui est déjà morte, qui est sur le bord de la route, là, qui revit tout le temps son accident, dans le fond. T'sais. C'est pas mal ça, je trouve, la force du film. C'est des personnages fun à suivre, puis un mystère intéressant. Fait que je pense que c'est ça qui fait en sorte que t'as pas envie d'arrêter le film. Moi, le leader du groupe, Tom, je l'aurais suivi. Là. L'acteur, il m'a vendu son personnage, je l'aurais suivi. Même si c'est cave, même si à un moment donné, il prend des décisions cave, j'aurais fait, ben ce gars-là, il est sympathique, j'aurais prendre une bière avec, là, tu sais. Puis tu sais... Ben t'sais, à un moment donné, l'autre... Dans le fond, cette gang-là, c'est nous autres. Tu sais, Tom, le personnage principal, c'est Sébastien, c'est le leader de la gang, là, tu sais. Puis, ben, toi, t'es Chris, là, t'es plus le mystérieux à qui faut tirer les verres du nez parce qu'il dit pas tout ce qu'il pense, là, tu sais. Moi, je suis le gars à caméra qui trouve les vidéos, fait « Hey, la gang, ce serait vraiment le fun qu'on fasse ça, qu'on parle de ça. » Puis Vicky, c'est la fille, c'est la plus brillante de la gang, là, tu sais. Non, mais t'es t'es le noir d'abord, tu sais, si tu veux. Yeah! Moi, je suis la fille. Mais t'en as un des personnages, tu sais, qui conteste tout ça, qui comme, c'est complètement stupide, on devrait juste pas... aller là, tu sais, tu te bases sur quoi pour aller là, ça fait aucun sens. Fait tu sais, en même temps, j'étais comme... Son orgueil, c'est que ça! Oui, mais il a la cave sur Internet, il est pas content! Ah, puis tout le long, tu te demandes comment ces gars-là ont pu partir une business, là, ils sont tellement pas brillants, mais en même temps, je les suivrais partout pareil, c'est con. Mais c'est juste un putain de bon vendeur, le gars, fait que t'accroches automatique. C'est ça. Jeff? C'est pas un épisode de The Office. C'est un film d'horreur. Mais c'est ça que je dis. Je trouve que le plus gros défaut du film, c'est que contrairement à l'autre qui nous en donne à tour de bras, ben lui, je pense que tu sais, il y a 3 scènes en tout. Fait que non, en tant que film d'horreur, c'est pas satisfaisant, mais je sais pas, j'ai trouvé ça décent. j'ai quand même fini le film, j'étais comme ok, je suis quand même satisfait là. C'est pas mémorable, mais Chris, j'ai vraiment vu pire comme fan footage là, puis avec des personnages insupportables, puis moi je vous garantis que dans 2 semaines je vous demande comment chacun des personnages est mort, puis vous vous en souvenez pas. Non, probablement non, mais écoute, c'est un film que tu vas voir sur le coup puis tu vas oublier le lendemain, c'est sûr. Mais sur le vif, c'était correct. Je sais pas, j'ai trouvé ça correct. J'étais peut-être juste indulgent cette journée-là, mais j'ai vraiment trouvé ça écoutable. Ah, à la fin, j'étais déçu. J'étais vraiment déçu de la portion horreur. Ouais, c'est déjà ça. M'en serais passé au pire. Quelque chose de plus mystérieux, peut-être moins. Je sais pas. C'est plus enquête, mettons. Ça aurait peut-être mieux marché. Peut-être le réalisateur ou les réalisateurs, je sais pas, j'ai pas checké là, la fiche IMDb, mais. Peut-être qu'il aurait été plus à l'aise avec quelque chose de plus enquête, parce qu'horreur, je trouve qu'ils l'ont pas. Là, ben c'est ça, tu sais, les moments qui marquent le plus, c'est le mystère. Fait que, au pire, fais un film mystérieux jusqu'à la fin, puis tes 5 dernières minutes, montre ce que tu veux montrer, juste 5 minutes, puis fais de quoi d'efficace 5 minutes, puis ça va être correct. Là, c'est parce qu'ils nous montrent ça trop tôt, vraiment trop tôt. Je suis comme, ok, je pense que la finale va avoir moins d'impact parce que là, tu viens me pitcher d'en face tes éléments. Tu m'as donné des réponses. Tu m'as donné des réponses trop tôt, tandis que moi, j'aimais ça pour avoir de réponses. C'est ça le problème. Puis ça me fait penser, vous parlez des cinq dernières minutes, mais le dernier plan du film, là, c'est la fille encore, puis je dirais rien de plus, là, mais ça, là. Ben, moi, je trouve ça poche. C'est poche parce qu'on s'entend-tu qu'il l'effet n'est pas bien fait. Puis en plus, je suis comme si tout le monde se fait attaquer, mais il y a juste elle qui va devenir en vidéo. Ouais. Ils se sont toutes faites attaquer. Pourquoi? Comprenez-vous ce que je veux dire dans le sens où je veux pas tout donner quand même le film. Il y en a peut-être des courageux qui vont vouloir l'écouter. Mais je me dis, je comprends pas pourquoi elle aurait une vidéo. T'sais, il n'aurait pas pu être créatif puis faire une autre vidéo avec les quatre au pire. Ouais c'est ça, il apprend la même chose qu'avec Tara. Il prend la même vidéo avec juste un autre personnage puis t'es comme, ouais, mais c'est pas une bonne idée. C'est drôle, hein, parce que tu sais, ce que j'aimais de l'autre film, c'est justement le fait qu'il mise pas sur les jumpscares et les effets sonores. C'est tout le contraire. Mais j'ai de la misère. Ben, je sais pas si j'ai de la misère, c'est parce que en même temps, ça fait partie du concept. Il faut que ça fasse ça parce que c'est ça qui arrive dans la vidéo. C'est juste que sont pas efficaces. C'est juste ça. Fait que, en même temps, je comprends son concept, mais je crois que. Tu sais, le potentiel, il est là. Je crois juste que les gars ont peut-être manqué d'idées au bout du compte. Tu vois, le réalisateur de Lights Out avait un concept limité, mais il a réussi à faire quelque chose en une heure et demie qui se tenait quand même. Lui, c'est plus tout de budget, ben, ouais. En même temps, c'est ça qui arrive. Hein. Mais tu sais, mais en termes de scénario, il a réussi à faire créer une histoire intéressante autour de son concept qui tient à rien. Dans le fond, c'est juste, on ouvre une lumière, on ferme une lumière. T'sais. Tandis que là, ben, c'est un peu la même chose. T'sais. C'est une face qui t'arrive dans. Une créature qui t'arrive dans la face qui crie. Il y aurait peut-être eu une façon intelligente de faire quelque chose, mais. Ben, c'est ça, je me dis. Je pense que, tu sais, oui, le budget, ça peut restreindre, mais quand t'es un bon réalisateur, tu peux te débrouiller. Puis, on en a vu des films indépendants ou même des fans de footage, tu sais, qui avaient vraiment pas beaucoup de budget, que le gars avait vraiment des bonnes idées de mise en scène. Fait que ça fonctionnait. Fait que je pense juste, c'est. On est entre les deux. On est avec des réalisateurs, scénaristes qui ont des idées intéressantes, mais qui savent plus ou moins quoi faire avec sur une durée d'un heure et vingt. Je pense que ça aurait peut-être fonctionné en short de 10 minutes ou je sais pas. Moi aussi, je pense. Ouais. Si tu as cette idée-là, ben, au pire, peut-être une anthologie, tu sais. Ouais, peut-être. Oui. Puis faire là, justement un genre de trucs comme j'ai dit avec la fille sur l'autoroute ou peu importe, c'est d'autres vidéos un peu basées sur des trucs Internet, là, des trucs de YouTube, tu sais. Dans un VHS, genre VHS 4, ça aurait été un segment intéressant, je trouve. Ça aurait été nice. Ouais, c'est ça. C'est ça, il y avait des bons acteurs, fait que je me dis, c'est dommage que ça soit pas aussi bon que ça aurait pu être. Là. Ouais. Mais tu dis qu'il est sur Shudder? Non, pas celle-là, c'est Hell House qui est sur Shudder. Celui-là, je vais sur Letterboxd voir les avis un peu des gens, puis il y a 4 reviews, fait que j'ai l'impression que le film est pas tant accessible. Je sais pas si c'est sorti. Ah, mais non, mais je suis allé sur IMDb, puis il est prévu pour 2018 aux États-Unis, puis Canada. Fait qu'autrement dit, le film est juste pas sorti à part dans les festivals. OK. En tout cas, si vous le trouvez, regardez-le quand même si vous aimez le genre, le found footage, mais c'est. Attendez-vous pas à avoir très très peur. T'sais. C'est pas mémorable. Non. Non, vraiment pas. Mais. Je pense qu'on vient de dire nos recommandations, dans le fond. Ouais, moi, payez pas. Payez pas. Que, encore une fois, c'est sur Shudder ou Netflix. D'après moi, ça va être là un jour, là, probablement en 2018, mais que ça sorte. Si vous êtes un fan de fan footage et curieux, bah, allez-y à la limite. Sinon, dans le cas contraire, oubliez ça. Tout ce que vous aimez pas dans le fan footage, vous allez l'avoir ici. Puis, faut dire, moi, quand j'ai été voir ce film-là, dans ma tête, j'étais comme, OK, j'étais pas motivé, c'est comme ça va être de la crise de merde à cause du cas. Ouais, mais c'est ça. De Vicky. Puis, quand j'ai commencé le film, j'étais comme, non, mais j'aime bien les acteurs. Je comprends ce que tu veux dire parce qu'il est bien fait, tu sais, il est bien tourné, les images sont belles, puis tout. Le problème vient pas du montage, de l'éclairage, des personnes. C'est parce qu'il n'y a pas d'horreur. Il n'y a pas d'horreur. C'est dommage. Si on aurait eu l'horreur de Hell House dans celui-là, je pense qu'on aurait eu le meilleur film des deux, d'après moi. Ben, c'est parce que, tu sais, je me dis, tu m'aurais présenté ça dans un kino à Sherbrooke, j'aurais aimé ça. Parce que c'est du monde que je connais, c'est du monde que je reconnais, c'était fort, le film il est bien fait, ça m'aurait pas dérangé. Mais pour un film d'horreur que je dois critiquer, tu es très loin de mes attentes. Mais je vais dans un... je vais dans un festival, puis l'équipe de tournage est là, ben je les aurais félicités, tu comprends? Ben oui. Oui. Parce que tu t'approches, parce que c'est pas mal fait. Le problème, c'est pas que c'est mal fait. Le problème, c'est que c'est pas intéressant. C'est pas créatif. Ben, c'est pas effrayant. Non, tu veux un film d'horreur, mais t'as pas de film d'horreur. Oui, c'est ça. Il y a une fois, c'est le premier vidéo, première fois, je m'attendais pas vraiment à ce soit ce genre d'affaire-là, puis j'ai fait Saut. C'est un saut, c'est pas effrayant. C'est ça, j'ai fait un saut, mais mon cœur a vraiment battu fort. Là. Ça a pris quelques minutes avant que... Comme je te dis, le seul moment que j'ai été effrayé, c'est vraiment quand ils vont à la maison pour la première fois, parce que je trouve le genre de build-up qu'ils te font avec les appels de Tara, qui est vraiment vague, puis Francis, puis là, juste ce qu'elle dit par rapport à Francis... Je trouve que ça te crée une genre de crainte. T'es comme, OK, fuck, c'est qui Francis? Puis, je sais pas, au moment qu'il arrive à la maison, je savais pas qu'est-ce qu'il allait découvrir. Fait que je trouvais que j'avais quand même un genre de chien. Tu sais, j'aimais le setup au milieu du champ, un genre de ferme, il fait noir. Tu sais, j'étais comme, OK, ça peut vraiment être un bon film d'horreur, là. Puis finalement, non. Il nous laisse tomber après ça. Ouais, il nous laisse tomber. Bon, au début, je regrettais quasiment mon commentaire quand j'ai su, tu sais, ah, oh, Tara, ta est morte. Ça dure 2 minutes parce que après 2 minutes, il trouve l'affaire de Jack the Ripper, puis j'ai fait oh non. Tu sais, même ça, c'est pas vraiment dit. Tu sais, la créature qu'on voit, c'est pas Jack the Ripper. Non, c'est très bien dit que c'est Jack the Ripper, il en parle 3 fois. Ça me semble que c'était pas clair parce que eux, ils ont vu ça sur Wikipédia, mais je veux dire, c'est pas. Le gars envoie chier la tombe, puis son ami dit voyons donc, il fait fuck you, c'est Jack the Ripper, puis j'étais comme Chris. C'est pas Jack the Ripper, c'est un potentiel. Ah, non, il dit. Non, mais c'est ça. Le gars envoie chier la tombe parce que lui, il est sûr que c'est Jack the Ripper, mais je dis, la créature qu'on voit, on n'a aucune idée si c'est vraiment Jack the Ripper. Il y a un insert, il y a des images de tableaux et des inserts de tableaux qui nous portent à croire que oui. Okay. La fille est couchée sur le lit. Ouais. Ils font un tableau avec ça. Mais tu sais quoi, je la déteste pas pareil, cette idée-là. Je sais pas. Justement, tu sais, quand on voyait les scènes du tableau, puis on voyait la vidéo en même temps, puis là, les personnages faisaient le lien, je trouvais cette idée-là intéressante. Mais encore une fois, je reviens au même point. Le film a des idées intéressantes, c'est juste mal amené. Là-dessus, on se rejoint à 100%. Mais l'avantage principal de ce film-là, c'est que j'ai écouté ça, mon petit se promenait, puis la première fois que les deux gars sont dans la maison, ils se font attaquer, ils se retournaient, ils ont entendu le cri. Puis quand ça lui a popé d'en face, il était plié en deux. Il était plus capable d'arrêter de rire. Puis là, il est venu s'asseoir à l'ordinateur. Puis j'ai montré toutes les vidéos même sur YouTube. Là, puis il a ri pendant non-stop là, toute la soirée. Puis vraiment, là, étant, je vais vous montrer une vidéo. Je vais vous l'envoyer. Là, mais il est plus capable. Puis il essaie de crier lui avec. Il est là. Ça marche pas. Là. Un vrai fan d'horreur comme son père. Meilleure comédie de l'année pour mon gars. Yes, c'est ça. Ben, on va passer à une autre, on va écouter une autre chanson, puis après ça on va revenir avec la conclusion de l'épisode. Fait que la deuxième chanson, j'ai pensé à mettre Tu ne seras jamais des bébés, parce que Rip Patrick Bourgeois, on l'a appris tantôt durant l'épisode, fait que durant l'enregistrement, fait qu'on est tous très attristés par ça. On revient tout de suite après la chanson. La nuit, et on boit à nos vies un peu beaucoup. Je rentre, je te laisse avec lui. Ton image me suit un peu beaucoup. Tu ne sauras jamais. Tu ne sauras jamais pourquoi je souris quand tu ris. Quand je vois briller tes yeux gris. Pourquoi je rougis quand il t'embrasse. Je t'aime et tu ne le sauras jamais. Couché dans le matin, je rêve de toi en vain, un peu bourré. caché dans le rôle d'un ami. Je t'emmène danser la nuit, un peu cool. Tu ne sauras jamais comme je t'aime. Tu ne sauras jamais pourquoi mes mains flamment que tu veux. Pourquoi je pars en cédant place. Je t'aime et tu ne le sauras jamais. Si je te donnais ma vie, chaque moment Alors, c'est ça, c'était ça notre épisode, dans le fond, sur nos deux fan footage. En conclusion, normalement, on salue les Patreons qui ont droit à un shout-out, mais j'ai pas la liste des Patreons qui ont droit à un shout-out. Fait que c'est Sébastien qui a la liste. Je vais lui demander pour la prochaine fois. mais je vous fais un shout-out à tous ceux qui ont droit à un shout-out. Merci beaucoup. Oui, vraiment merci beaucoup. Beaucoup. Mais il y avait un Dave tantôt, ça c'est sûr. Tu l'as dit tantôt, Dave. Écoutez, au tout Michaud, début, ouais, dans notre test. Oui. Ouais, c'est sûr qu'il a dit David Michaud. Fait qu'on va remercier David Michaud. Puis il y a Véro des 12 folies de Nikki, ça je suis certain encore. Fait que Véro des 12 folies de Nikki. Marc-André aussi, je pense, si je ne me trompe pas. Bon. On se rattrape. Sinon, c'est ça, vous pouvez, c'est tout récent, là, Sébastien a parlé dans le dernier épisode, mais on a des t-shirts d'Horror Gamer, puis on a toutes sortes de trucs à l'effigie d'Horror Gamer. Allez sur horrorgamer.ca/boutique, puis il y a un lien pour vous amener vers la boutique Redbubble, puis ça nous donne une petite ristourne sur les tout à fait que vous achetez, mais c'est ça, il y a des t-shirts, des trucs des études d'iPhone, d'iPad, sortes d'affaires, des stickers, sortes de patentes sur notre logo d'Horror Gamer. Après ça, qu'est-ce qu'il y aurait d'autres choses à dire? Vos projets personnels, vous autres, Steven, séance de minuit, qu'est-ce qui se passe ces temps-ci? On n'est pas vraiment dans l'horreur, mais on vient de sortir notre dernier épisode, c'est sur Les Affamés, le film de zombies québécois, qu'on vous recommande fortement. Allez écouter l'épisode, je pense qu'on a fait un épisode intéressant. Sinon, les prochains films qui s'en viennent, c'est pas vraiment dans l'horreur. Fait que je vois pas forcément les plugger, là, on s'en va ailleurs. Là. Surtout que l'épisode sur les affamés vaut vraiment la peine juste pour les 30 premières secondes de l'épisode. le pire, c'est que je l'ai pas mis au complet, là, mais ça continue sur un bout. Oh, je suis curieuse. Dis-moi rien. Non, je te dis rien, c'est juste que j'ai fait une découverte qui m'a chamboulé la vie. Okay. C'est bon. Toi, Vicky, qu'est-ce qui se passe à la capsule? Ou dans ta vie? Pas grand-chose. On fait du karaoké jeudi. Fait qu'on va chanter Les Bébés. Ouais, hein? Nice. Jeudi. Ouais, jeudi le 30 novembre, on va faire un hommage karaoké bébé. Je pense que cette semaine, tout le monde va chanter Les Bébés, je pense. Ouais. pas inévitable. Ouais. Ah, c'est triste. Trop jeune. Ouais. Notre prochain épisode, on n'a pas encore décidé, mais ça se pourrait, parce qu'on avait un projet avec Alex Perron. Là. Sébastien avait. Puis Steven a fait un épisode avec Alex Perron il y a quelques mois déjà. Puis il y avait un projet de faire un épisode de Noël. Ça se pourrait que ça soit bientôt, en fait. On arrive en décembre, fait que ça se pourrait que ça soit le prochain ou l'autre d'après. On n'est pas encore certain. On va checker ça avec Alex. Puis c'est ça. Dans le fond, continuez de nous suivre sur Facebook et tout ça. Allez sur notre page Patreon si ça vous tente de voir nos enregistrements le dimanche soir live sur Facebook. Puis sinon, merci Vicky d'avoir été là. Toujours un plaisir. Merci Steven. Aujourd'hui, c'est un plaisir. Oui. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Ben non. Non? Bon, ben, à tout le monde, gardez ça horreur. Bye bye. Bye.